الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الناس، اتقوا الله حق التقوى وأطيعوه، فما أسعدكم إن أطعتم. عباد الله، إن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. متفق عليه. ويستحب إخراجها عن الجنين إذا نفخت فيه الروح، وهو ما صار له 4 أشهر، فقد كان السلف رحمهم الله يخرجونها عنه، كما ثبت ذلك عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وغيره. ولا تجب زكاة الفطر إلا بالشرطين: الإسلام ووجود ما يفضل عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية في يوم العيد وليلته. ومن حكم وجوب زكاة الفطر تطهير الصائم مما قد وقع فيه من اللغو والرفث، وإغناء الفقراء والمساكين عن السؤال في يوم العيد، وإدخال السرور عليهم. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني. ومقدار الواجب فيها هو صاع من غالب قوت أهل البلد كالبر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأرز أو غير ذلك. ولا يجوز إخراجها نقداً أي مالاً، لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ويجوز إخراجها من اليوم 28 من رمضان إلى صباح يوم العيد قبل صلاة العيد. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. رواه البخاري. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، la زكاة الفطر qu'on appelle la zakat, l'aumône obligatoire pour la rupture du jeûne, est une obligation pour tout musulman. Donc Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qui dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné la sadaqa, c'est-à-dire l'aumône de la rupture du jeûne, zakat al-fitr, durant pour le mois de Ramadan, un sa', c'est une unité de mesure qui est 4 fois le contenu des 2 mains remplies de dattes ou de blé, pour toute personne, qu'elle soit homme libre ou esclave, homme, garçon ou fille, petit ou grand parmi les musulmans. Le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il est recommandé aussi de la sortir pour le fœtus, le bébé qui est dans le ventre de sa mère lorsqu'il a dépassé les 4 mois, lorsqu'on a insufflé en lui l'âme, la vie. Comme cela est rapporté d'après plusieurs, parmi les salafs, parmi les pieux prédécesseurs, comme le prince des croyants, Uthman ibn Affan, et autres. La zakat al-fitr n'est obligatoire que sous 2 conditions. L'islam, que la personne soit musulmane, et que la personne elle ait un surplus pour lui et sa famille et ceux qui sont à sa charge, c'est-à-dire qu'il a plus que tous les besoins qui du jour de l'Eid et la veille de l'Eid. Parmi les sagesses de Zakat al-Fitr, c'est premièrement une purification pour la personne, le jeûneur, pour toute négligence, manquement ou faute qu'il aurait commise durant le mois de Ramadan, durant son jeûne. Comme mauvais propos, mauvaises paroles, mauvaises actions. Et en même temps aussi, c'est un moyen d'enrichir les pauvres pour ne pas mendier le jour de l'Eid et qu'ils puissent participer à la joie avec les musulmans. D'après Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné la zakat al-fitr comme purification pour le jeûneur, pour tout mauvais propos ou grossièreté ou mauvaises actions qu'il aurait commises, et aussi une nourriture pour les pauvres et les nécessiteux, rapporté par Abu Daoud, Ibn Majah et rendu bon par l'Albani. Et la quantité à sortir pour la zakat al-fitr, comme on l'a dit, c'est un sa. Et un sa, c'est le contenu des quatre mains pleines. De la nourriture qui est répandue et connue chez les gens du pays. Comme, à titre d'exemple, la farine, le blé, l'orge, les dattes, les raisins secs, le riz et autres parmi les denrées alimentaires. Il est interdit de sortir zakat et le fitr en argent à la place de la nourriture. Car ceci va à l'opposé et en contradiction avec l'ordre du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de la sortir en nourriture. Et aussi, ceci va à l'opposé de l'action et de l'agissement des compagnons, radiallahu anhum. Il est permis de la sortir un ou deux jours avant le jour de l'Eid, à partir du 28e jour de Ramadan. Bon, pour nous, ça sera le 28e, ça sera dimanche. Donc, à partir de dimanche, jusqu'à le jour de l'Eid, mais avant la prière de l'Eid, il est permis de la sortir. Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, a dit, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous donnions zakat al-fitr un sa' de nourriture. Et notre nourriture, la nourriture des compagnons et du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à leur époque, était l'orge, les raisins secs, le fromage sec, les dattes. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari. Allahumma raddana ila dinika raddan jamila. Allahumma aghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tub 'alayna innaka at-tawwabur rahim. Wa salli Allahumma wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن